vie. Je suis dans tes draps. Alexandrie, Alexandra, Alexandrie où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Alexandrie, Alexandra, Alexandrie où l'amour danse au fond des draps. Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid. Ce soir je danse dans tes draps. Allez danse.